La cérémonie de remise des citations d'État aux matelots du bateau numéro 1728 de la deuxième flotte de l'entreprise halieutique de Kamapo, de la direction de l'entretien halieutique de la province du Péouan du Sud, s'est déroulée le 7 courant. Y ont pris part Park Tae-son, président du comité central du Parti du Travail de Corée pour la province du Péouan du Sud, les cadres intéressés, le personnel de l'entreprise et les familles des défunts. À la suite de la lecture du décret du Présidium de l'Assemblée populaire suprême, on a transmis le titre de héros du travail et la médaille d'or, le marteau et la faucille, et l'ordre du drapeau national de première classe à la famille de Hong Song-gwan, ancien capitaine du bateau numéro 1728 de la deuxième flotte de l'entreprise halieutique de Kamapo. Ensuite, on a transmis l'ordre du drapeau national de deuxième classe aux familles de Kang Chol-lam, ancien second capitaine et de cinq autres. Les matelots du bateau numéro 1728 ont dépassé tous les ans le plan de production et manifesté l'esprit de défense à outrance du leader dans la situation critique où le navire coulait dans la tempête au cours de la campagne des 70 jours.